L'autographe par Catulle Mendès. Non, non, dit Colette en frappant l'oreiller de ses petits poings clos. Colette a l'innocente manie de faire faire la taie de ses oreillers avec les batistes, aux entre-deux de Valenciennes, qui furent les chemises de ses meilleures nuits d'amour, de sorte qu'elle s'endort tous les soirs et qu'elle s'éveille tous les matins sur les plus odorantes commémorations. Mais ceci n'a rien de commun avec la folle histoire que je vais vous conter, non. Non, je ne sais rien de plus absurde que de manquer de mémoire à tel point. Tu me vois, ma mignonne, dans le plus grand embarras du monde. Bon, dit Lila, il n'est fâcheuse aventure dont on ne se tire avec un peu d'ingéniosité et d'expérience. Elle ôta son chapeau, s'assit près du lit de son amie devant une table où la femme de chambre avait servi le chocolat et continua, jacassante, tout en coupant un petit pain en mouillette avec un appétit très affairé. Voyons. « De quoi s'agit-il ? Explique-toi, raconte ton histoire. Je suis, comme tu le sais, une assez habile conseillère. Mais d'abord, laisse-moi te dire, je trouve dans tes paroles quelque chose d'inconcevable. Et quoi ? Tu te plains de manquer de mémoire. Mais tu es folle, j'imagine. Où en serions-nous, toi et moi et quelques autres, si la faculté d'oublier n'était en nous aussi naturelle à nos cœurs que l'offre des parfums l'est à nos lèvres et la clémence des aveux à nos regards ? L'encombrement des réminiscences serait tel dans nos âmes qu'il n'y aurait plus de place pour les désirs ni pour les espoirs. Nous serions comme un porte-bouquet, faïence de Chine ou du Japon, trop plein de fleurs fanées pour qu'on y puisse mettre une seule rose fraîche. Ce souvenir, que cette désolation nous soit épargnée. Songe-y, ma chérie, en ce temps où presque tous les amoureux sont semblables l'un à l'autre. Surtout dans l'art enfin monotone, de subtiliser et de varier nos plaisirs, ce serait une terrible chose que de n'avoir pas oublié l'amant d'hier au moment où l'amant d'aujourd'hui va remporter un triomphe qui ne sera pas sans précédent. Tout le charme de la nouveauté se perdrait dans la maussaderie du recommencement. Mon Dieu, dit Colette, je ne veux pas prétendre qu'au point de vue de la théorie pure, ton opinion ne puisse être soutenue et même admise. Quoiqu'il y ait une certaine douceur dans la comparaison entre des délices qui, produites, il est vrai, par des moyens analogues, ne laissent point d'offrir des diversités fort sensibles à des cœurs délicats comme sont les nôtres. Mais dans la pratique, le parfait oubli présente des inconvénients que l'on ne saura nier. Et il est bien certain que tu me plaindras lorsque tu connaîtras ce qui m'arrive, d'être l'étourdi que je suis. « Et que t'arrive-t-il ? Parle donc, dit Lila. « Tu vas frémir, dit Colette. » Elle reprit, une rougeur aux pommettes. « Crois-tu que j'ai dormi seule la nuit dernière ?» Lila répondit sans hésiter. « Non, je ne le crois pas. » « Comme tu as raison de n'avoir aucun doute sur ce point. Pour ce qui est de moi, je suis absolument certaine que je n'ai pas monté seule, dans les ténèbres, les marches de mon escalier. Je suis si peureuse, tu sais. Je puis même affirmer qu'après la robe tombée, une voix fort tendre me complimenta des rondeurs blanches et roses que l'œil mourant de la lampe n'était pas seul à contempler. Et ce furent ensuite des heures aussi douces qu'on le peut désirer. Ah, ma chérie, les personnes vertueuses, on affirme qu'il en existe, trouvent sans doute de grandes satisfactions dans l'accomplissement des plus austères devoirs. Mais qu'il y a de ravissement aussi à manquer de vertu. Et je pense que jamais n'en manquerai plus délicieusement que durant la nuit, si longue et trop brève qui vient de s'écouler. Ma chère, les pessimistes ne savent ce qu'ils disent. Il y a encore ici-bas des hommes tout à fait dignes d'estime et d'enthousiasme. Ce matin, dans ce lit que l'amant avait déserté avant l'aube, comme il convient de faire pour éviter la banale confrontation des bâillements communs, je me suis éveillée pleine de reconnaissance envers le complice disparu de mon aimable damnation. Jusqu'à présent, dit Lila, je ne vois rien dans ton aventure qui justifie tes imprécations contre la destinée. Ah, dit Colette, attends la fin. Oui. J'étais pleine de gratitude. Mais quand je voulus préciser mes souvenirs, mêler sur ma lèvre un nom à des réminiscences de baisers, cela me fut radicalement impossible. Quel était l'amoureux, si incomparable, à qui je devais tant de joie et qui m'en devait quelques-unes sans doute? Car tu n'ignores point que je me pique, en pareil cas, d'une très honnête égalité dans l'échange. Quel était le vainqueur de qui j'avais été victorieuse? Je ne le savais plus, je ne le savais pas. Tout ce qui me revenait à l'esprit, c'était la folle d'un souper. Habits noirs et robes décolletées, des candélabres dans les glaces, du champagne dans les coupes, des mains et des bras nus où se posent au vol des bouches. que s'était-il passé au moment où, les fourrures vite remises, on monte dans les voitures qui attendent à la porte? À qui avais-je permis de me suivre? Qui était monté dans mon coupé avec moi après l'encombrement hasardeux du vestiaire? Voilà ce dont je n'avais aucun souvenir. Et maintenant encore, tout le champagne envolé, tranquille, l'esprit clair, reposé, ah, pas trop, tant de si chères fatigues. Je fais de vains efforts pour retrouver dans ma pensée, fille, fille, que je suis ingrate. Le nom, l'image de celui qui fut pendant 3 heures, 4 peut-être, l'être parfait, à qui de tout temps j'avais été destiné. Lila songeait. Il est certain que ton cas est extraordinaire. Ajoute qu'il est aussi cruel que possible. Pense à ce qui peut m'arriver. Cet amant, cher entre tous, je le rencontrerai demain, après-demain, rien de plus sûr, et le rencontrant, je ne le reconnaîtrai pas. Je ne pourrai pas, par ces tendres clignements d'yeux auxquels j'excelle, comme tout le monde se pète à le reconnaître, par la fossette vite comblée d'un sourire, lui témoigner qu'il y eut 7 ou 8 minutes, au moins à peine espacées, où il eut le droit de croire qu'il ne m'était pas indifférent. Ma chère, c'est atroce. Il dira de moi, cette bégueule. Il me prendra peut-être pour une de ces méprisables bourgeoises, un seul soir détraqué, qui rétracte leur abandon, qui se redresse, consolidée, pareil à des maisons penchantes qu'on étaye. Pense aussi à de plus graves incidents dont je puis être victime, et qui nuiraient singulièrement à la réputation d'honnêteté que je me suis acquise enfin, non sans de magnanimes résistances. À l'aspect d'un aimable jeune homme, inconnu, impassant, mais qui me semblera propre à réaliser les délices dont le regret désormais m'accompagnera toujours, je me dirai, c'est lui peut-être, et je lui ferai voir en ma générosité naturelle une reconnaissance affreusement compromettante qu'il n'aura pas encore méritée, et le lendemain, d'un magnanime abandon, où m'aura invité ma conscience, je n'aurai fait qu'assumer le devoir d'une reconnaissance nouvelle. Mais, dit Lila, tu ne les connaissais donc point, tous ces fous de ce souper? Si fait, mignonne, je les connaissais, je crois. Est-ce que l'on soupe de si près avec des jeunes hommes qui ne vous furent point présentés? Mais quoi, tels que je les revois dans les fumées envolées du champagne, ils étaient 15 ou 20. Peste! Et c'est inutilement que je m'interroge et que je me tourmente. Aucun indice ne me désigne celui de nos amis de qui je suis devenu un peu plus que l'ami. Me souvenant des drames et des faits divers, où quelque objet oublié permet de reconnaître et de confondre le coupable. Et coupable, ah, qu'il l'était, si adorablement. J'ai ce matin, bien longtemps avant ton arrivée, fureté dans tous les coins de la chambre, dans le lit, dans la ruelle. N'importe quelle menue chose, un gant, un mouchoir, que sais-je, m'aurait mis sur la voie de la découverte. Hélas, rien, rien. Celui qui fut le plus doux des passants n'a laissé dans mon alcôve ni dans mon esprit aucune trace personnelle de son passage. Aucune, aucune. Bon, dit Lilette. Et cela, qu'est-ce donc? Du bout de son doigt rose, elle désignait par le bras de Colette, un peu au-dessus de la chemise tombante, tout près du mystère chevelu de l'aisselle, une rougeur un peu bleuie, avec de petits creux qui se violaçaient d'un affleurement de sang. Cela, dit Colette, tournant le cou. Oui, cela, dit l'autre. M'obligeras-tu à t'avouer que les baisers de mon amant inconnu eurent plus d'une fois des rudesses dont je feignais de me plaindre? Il n'est pas impossible qu'il ait poussé la vraisemblance de la passion jusqu'aux plus romantiques morsures. Nous avons vécu, en une seule nuit, il n'avait pas eu besoin de filtre, toutes les nuits de Don Paez et de la Juana d'Orvado. Mais qu'importe qu'il m'ait baisé avec les dents, le fou. Je ne sais plus son nom, même le voyant, je ne le reverrai plus. Lila s'était penchée. Elle observait la marque rouge et délicatement violette au-dessus de la chemise tombante. Tu tiens vraiment à savoir qui tu aimas? Adieu, chérie! Eh bien, c'est monsieur de Marsillac. Il ne me déplairait pas que ce fût lui. Mais à quoi donc as-tu pu reconnaître l'auteur du divin poème d'amour qui ce matin m'enchante encore? À son tour, Lila rougit, puis détournant la tête. À sa signature, dit-elle. Ainsi s'achève l'autographe de Catulle Mendès.